premier côté mal calculé. Ça va pas d'exemple sur ça. Pour yon fille qui voulait marier sans richesse ou bocola. Premier côté mal calculé. Ça va pas d'exemple sur ça. Pour yon fille qui voulait marier sans richesse ou bocola. L'on propose mais Dieu dispose. Laisse à la vie à tout en rôle. Posez sans vous petit moment. Mariage pas revient tout le monde. L'on propose mais Dieu dispose. Laisse à la vie à tout en rôle. Posez sans vous petit moment. Mariage pas revient tout le monde. Bon poisson pour sa mariée. Les richesses la va arriver. N'a pas fait un bel mariage. Oui chérie n'a pas marié. Bon poisson pour sa mariée. Les richesses la va arriver. N'a pas fait un bel mariage. L'on propose mais Dieu dispose. Laisse à la vie à tout en rose. Posez sans vous dire mon monde. Mariage pas revient tout le monde. L'on propose mais Dieu dispose. Laisse à la vie à tout en rose. Posez sa route bon bon. Mariage pas revient tout le monde. Mais maman, qu'on aimerait mais wapi. Mariage pas revient tout le monde. Ma tante ou même a fait reportage seulement. Mariage pas revient tout le monde. Parfois mariage civil a des réverbales. Mariage pas revient tout le monde. Faites reportage seulement. Mariage pas revient tout le civil à tes réveils. Mariage pas revient.